Vous écoutez France Inter, 13h30, Jean Lebrun, bonjour. Puisque vous parlez, bonjour Claire. La marche de l'histoire. D'exposition, et dans les thunes qui ouvrent aux Invalides, qui est consacrée à Napoléon à Sainte-Hélène, ça nous a donné l'idée, avec l'aide des comédiens français, de restituer le débat de 1840, où la Chambre des députés a décidé du retour des restes de l'empereur. La séance est ouverte au Théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français Loïc Corbery, Michel Favori, Laurent Natrella et Bruno Raffaelli. Nous sommes en mai 1840. C'est la question du retour des cendres de Napoléon qui se pose. Ce printemps, Sainte-Hélène revient sous les feux de la rampe. Une ligne aérienne relie enfin l'île à l'Afrique. Il ne manque plus qu'Internet. Et à Paris, le musée de l'armée raconte dans une exposition le long séjour qui fit Napoléon jusqu'à sa mort en 1821. En 1840, quand les relations de Paris avec Londres paraissent encore au beau fixe, l'idée de ramener les restes de l'empereur est née dans le cerveau fertile de Thiers, le président du conseil de Louis-Philippe. Une opération funèbre, ça peut toujours réveiller une popularité chancelante. Le roi, à l'époque, avait la volonté de réconcilier toutes les mémoires nationales. De Versailles, dont il entreprit le relèvement, il fit un musée de l'histoire de France. La même année 1840, il installa l'obélisque sur la place de la Concorde, préalablement débarrassée de toute trace des exécutions révolutionnaires. Et place de la Bastille, il dressa la colonne de Juillet, sous laquelle devait reposer les combattants des libertés publiques de 1830, sans le sacrifice desquels ils ne seraient pas montés sur le trône. Toutefois, l'idée de rapatrier Napoléon l'enthousiasmait moins. Pour lui, l'accomplissement de 1789, c'était la monarchie de Juillet, et il n'aimait rien de l'Empire. De surcroît, la reine Marie-Amélie lui avait suggéré que l'opinion en viendrait inévitablement à comparer les deux régimes à son désavantage, évidemment. Le roi se laissa néanmoins convaincre par son gouvernement et nomma son fils, le prince de Joinville, pour commander la belle poule qui allait procéder au rapatriement. La Chambre vota dans l'enthousiasme un crédit exceptionnel et une de ces commissions patrimoniales dont la France détenait déjà le secret discuta toutes affaires cessantes du lieu qui devait abriter les précieux vestiges. La commission était présidée par Clausel, un soldat qui avait servi la France en tous ses régimes successifs que Napoléon avait fait baron, et Louis-Philippe, maréchal. Ces 23 et 26 mai 1840, la présidence de la Chambre est assurée par Martin du Nord. France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun. La parole est au maréchal Clausel, président de la commission, député des Ardennes. C'est avec une émotion que vous comprendrez facilement chez un vieux soldat que je viens rendre compte du travail de notre commission sur le projet de loi relatif à la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon. Je dois le dire, l'unanimité n'a pas été aussi rapide sur la manière dont ce grand acte doit être accompli, ni sur le choix du lieu où doivent reposer les restes de Napoléon. C'est avec une vive reconnaissance que nous avons vu le roi charger un de ses fils de la haute mission de transporter en France le cercueil de l'empereur. Mais nous avons pensé que ce serait peut-être un hommage insuffisant qu'un navire isolé chargé de cette précieuse dépouille. Nous avons désiré qu'une escadre alla rallier en mer le funèbre convoi et lui fit escorte jusqu'à ce qu'il eût touché le sol de la patrie où l'attend le plus magnifique cortège qui puisse suivre un cercueil. C'est celui que lui feront l'enthousiasme et le respect du peuple français. Mais lorsque le choix du lieu où doit reposer l'empereur a fixé notre sollicitude, nous nous sommes trouvés incertains entre le droit qu'il a de régner dans tous les monuments et le droit aussi que les monuments eux-mêmes paraissent avoir de réclamer cet illustre dépôt. Toutes les causes ont leurs représentants et leurs défenseurs. Le Panthéon, qui appartient à tous les grands hommes. La Madeleine, qui n'appartient encore à personne et qui pourrait, à bon droit, n'appartenir qu'à lui. L'Arc de Triomphe, qui donnerait à Napoléon pour épitaphe les noms de tous ses généraux et la liste de toutes ses victoires. La colonne de la place Vendôme, qui fut son œuvre tout entière. Et enfin, la basilique royale de Saint-Denis, qui le réclame comme souverain légitime et qui, depuis 30 ans, se tient toute prête à le recevoir dans la tombe qu'il avait lui-même ordonnée. À la basilique ! À la Madeleine ! Nous avons longtemps hésité, messieurs, tant nous avons craint que notre choix ne fût pas à la hauteur du vœu national. Mais nous nous sommes enfin réunis à la pensée du gouvernement en faveur des Invalides. Le recueillement du lieu, la majesté de l'édifice, la grandeur de ses souvenirs, l'isolement de la vaste partie de l'église où la tombe doit reposer et où n'ont été admis encore que les restes de Vauban et de Turenne, qui durent à la volonté de Napoléon cet illustre asile, justifieraient suffisamment un pareil choix. Ce qui le justifie davantage, messieurs, c'est cette garde glorieuse de vieux soldats de nos armées, des vétérans du passé et de l'avenir, d'un maréchal de France, enfin, qui se trouve assuré à Napoléon. Sans doute, il n'est pas seulement pour nous le grand capitaine. Nous voyons en lui le souverain et le législateur. Mais plus nous l'honorerons en roi, plus nous désirerons que sa tombe ne reste pas solitaire. Et quel autre garde vouloir pour lui que cette famille militaire qui est destinée à se perpétuer toujours en se recrutant dans les rangs de nos armées de braves mutilés qui auront marché glorieusement sur les traces des soldats de Marengo et de Sterlitz. Déjà d'ailleurs, messieurs, le génie de Napoléon est partout emprunt à l'hôtel des Invalides. C'est lui qui a fait déposer les deux lieutenants illustres de Louis XIV. C'est lui qui a chargé ses voûtes de tous ces drapeaux qui attestent nos 100 victoires. C'est là enfin qu'il fit la première distribution de la Légion d'honneur. Ce lieu se rattache donc de tous côtés à sa mémoire. Belles sont, messieurs, les considérations qui ont enfin réuni les suffrages de votre commission. Napoléon reposera aux Invalides, mais seul. Et c'est pour cela que nous avons introduit dans la loi un article qui porte que le tombeau sera placé sous le dôme et que ce dôme, ainsi que les chapelles qui l'entourent, seront exclusivement réservées à la sépulture de l'empereur Napoléon sans que jamais, à l'avenir, un autre cercueil y puisse prendre place. Bravo ! Nous avons désiré aussi qu'une statue équestre de l'empereur soit enfin érigée sur l'une de nos places publiques. Honneur qui appartient aux têtes couronnées et qui manque encore à Napoléon. Un examen plus mûr des dépenses nécessaires pour la translation, les funérailles, et le monument a fait connaître l'insuffisance du premier crédit qui avait été demandé par le ministère. Nous proposons à la Chambre d'allouer 1 million de plus. La France entend que ces illustres obsèques et le monument qui doit les consacrer soit digne de Napoléon et digne d'elle. Tout cela sera fait, messieurs, grâce à la sympathie personnelle du roi pour cette illustre mémoire. Tout cela sera fait grâce à vous, messieurs, grâce aux deux chambres dont les votes unanimes accueilleront, nous en sommes certains, la loi qui doit nous rendre tout ce qui reste de l'homme qui a tant fait pour la France. Il appartenait à la royauté de Juillet de restituer au héros national l'asile du sol de la patrie, et il appartient à la France calme et libre de montrer la liberté juste envers la gloire. La parole est à monsieur Alexandre Glaibisoin, député des Côtes-du-Nord. Si la Commission s'était bornée à nous demander notre concours pour aller chercher sur la terre étrangère et pour rendre à la France les restes mortels d'un Français qui fut le capitaine le plus illustre des temps modernes... Et des temps anciens. Et si elle avait ajouté que c'était un moyen d'effacer les dernières traces de cette longue animosité qui a régné entre deux grandes nations, j'aurais gardé le silence. Mais comme la Commission, par un... redoublement d'enthousiasme napoléonien... Comment ? Qu'est-ce que cela ? A en quelque sorte exigé le tribut de notre admiration sans réserve, sans distinction, pour le génie du bien et du mal qui a régné 15 ans sur la France, pour le grand capitaine comme pour le despote, qui n'a pu vivre un seul jour en face de la liberté de la tribune et de la liberté de la presse, alors il m'est impossible de rester silencieux sur mon banc. À Dieu ne plaise que je vienne devant vous... réveiller les souvenirs qui pourraient porter la plus légère atteinte à la gloire de l'Empire. C'est la gloire de la France, c'est notre gloire à tous, c'est notre héritage le plus sacré. Mais j'ai senti le besoin de faire des réserves que je crois que la Commission aurait dû faire. J'ai senti le besoin de proclamer bien haut à cette tribune, dussé-je encourir le déplaisir de tous les barons de l'Empire. J'ai bien le droit de dire que le plus grand bienfait que la Providence ait départi à mon pays, tout en le frappant du même coup d'un malheur inouï, du malheur à jamais déplorable, de la double invasion, je dis que le plus grand bienfait que la Providence ait départi à mon pays et à l'Europe a été la chute du régime impérial. Comment, monsieur ? Vous n'auriez pas la satisfaction de m'interrompre ? Vous ne seriez pas là si ce régime existait encore ? Je dis qu'aujourd'hui, le vœu le plus ardent de tout homme qui comprend le patriotisme comme l'ont compris nos pères de 1789, c'est de demander que notre pays soit à jamais garanti contre le retour d'un pareil régime. Et que mes adversaires ne viennent pas pour me combattre, me crier « Oh là, admirez, admirez !» Non, non ! Je leur déclare d'avance que j'admire autant qu'eux toutes les merveilles de l'Empire, toutes ces grandes et magnifiques créations. Aujourd'hui, je ne puis me ranger aux propositions. Elles tentent à nous faire entrer dans un nouvel ordre d'idées. Elles tentent à rétablir le culte napoléonien. Quel culte ? Taisez-vous donc ! Je m'arrête. Messieurs, je m'arrête. Je tiens à ne me brouiller que le moins possible avec les bonapartistes. Avant donc de quitter la tribune, je leur déclare que je m'associerai aux vœux du gouvernement, aux leurs, d'aller chercher à Sainte-Hélène, non seulement avec une frégate, mais avec une flottille, mais avec une escadre même, les restes de Napoléon. Si les envoyés devaient laisser dans son tombeau les idées bonapartistes, que je regarde comme une des plaies les plus vives de notre ordre social, comme ce qu'il y a de plus funeste pour l'émancipation des peuples, comme ce qu'il y a encore aujourd'hui de plus contraire à l'indépendance de l'esprit humain. Très bien. France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française. Jean Lebrun. La parole... est à monsieur Charles Gauguier, député des Vosges. Il ne s'agit nullement de comparer l'époque de l'Empire à l'époque actuelle. La licence de la liberté fait naître l'anarchie. Au milieu de l'anarchie et de la guerre civile, le despotisme devient souvent un bienfait dans ce désordre social. Dieu, messieurs, parut être étonné du génie surhumain du grand Napoléon, car il l'arrêta dans ses merveilleuses victoires en faisant périr en Russie presque toute son armée, jusqu'alors invincible. Et cependant, cet illustre capitaine, avec les débris de ses anciens bataillons et quelques nouveaux soldats, résista pendant 2 ans aux armées européennes coalisées contre lui. Il fut enfin obligé, après avoir occupé longtemps le monde entier de la France et de sa gloire, de se soumettre à la force du nombre et de subir la loi haineuse des rois qu'il avait souvent vaincus et pardonnés avec une imprudente générosité. Eh bien, ce législateur et ce héros, dont les temps anciens et modernes ne peuvent lui offrir un rival, ne fut pas seulement calomnié durant sa vie par ses écrivains et ses hommes qui trafiquent de leurs plumes et de leur conscience, mais sa mémoire est encore poursuivie par des attaques qui révoltent le patriotisme de tous les bons citoyens au moment où justice lui est rendue par le gouvernement aux acclamations de la reconnaissance publique. Que ces calomniateurs apprennent à se connaître eux-mêmes avant de se permettre de juger la vie politique et militaire d'un pareil génie. Qu'ils osent faire connaître leur nom afin que la postérité les livre à l'ignominie. Les dépouilles mortelles de cet homme extraordinaire doivent être dans une tombe et dans un lieu à part. Elles ne peuvent être confondues ni avec celles des anciens rois et encore moins avec celles de quelques illustres guerriers ou de quelques victimes de nos discordes politiques sans méconnaître les sentiments de la France. Le monument de la Madeleine me paraît le seul édifice convenable à sa sépulture. Approchez-vous, messieurs, de l'arc de triomphe de l'étoile élevée à la gloire de la grande armée. De la colonne de la place Vendôme, fondue avec le bronze des canons pris aux ennemis de la France. Allez aux Invalides contempler les nombreux drapeaux arrachés par nos soldats des mains des étrangers. Si alors vos cœurs restaient insensibles à l'aspect de ces monuments glorieux et des douleurs physiques de ces héros, laissez les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène, car vous ne sauriez pas honorer dignement la mémoire de ce grand homme. Bravo ! La parole est à monsieur Alphonse de Lamartine, député de Saône-et-Loire. Quant à moi, étranger à l'époque impériale, je tâcherai d'exprimer ici, avec impartialité, les sentiments d'un citoyen. Et cela avec le respect que nous commande la mémoire de l'homme dont nous avons l'honneur de parler, et avec le respect que je dois à mon pays et à la Chambre. Très bien ! Si je m'associe comme Français au pieux devoir de rendre une tombe dans la patrie à un des hommes qui ont fait le plus de bruit sur la terre, à un de ces hommes dont le nom répété le plus loin dans les siècles devient pour ainsi dire un des noms du pays lui-même et dont la volonté se substitua pendant 10 ans aux lois, aux volontés, au destin de la France. En revanche, comme philosophe, comme homme qui a quelques pressentiments de la postérité, j'ose l'avouer devant vous, ce n'est pas sans un certain regret que je vois les restes de ce grand homme descendre trop tôt de ce rocher au milieu de l'océan, où l'admiration et la pitié de l'univers allaient le chercher à travers le prestige de la distance et à travers l'abîme de ses malheurs. À Dieu ne plaise que j'accuse la royale pensée qui rappelle de l'exil la dépouille du grand capitaine. Mais je n'aurais pas considéré comme un malheur pour la mémoire de Napoléon que sa destinée l'eût laissé quelque temps encore sous le saule de Sainte-Hélène. Les anciens laissaient écouler quelque temps entre la mort des héros et le jugement de la postérité. Les arrêts de l'histoire, quand ils sont plus impartiaux, sont plus sûrs d'être irrévocables. Peut-être que sous bien des rapports, cette cendre n'était-elle pas assez froide encore pour qu'on y touchât ? La justice gagne à cette temporisation, la gloire et la reconnaissance publique n'y perdent rien. Mais le jour, je le reconnais, où l'on offrait à la France de lui rendre cette tombe, elle ne pouvait que se lever tout entière pour la recevoir et la recueillir sous un patriotique monument. Recevons-la donc avec recueillement, mais sans fanatisme, et qu'au milieu de ce concert d'admiration où l'on n'entend que la voix de l'apothéose, on laisse entendre aussi au peuple la voie de la raison publique. Une nation comme la nôtre ne doit pas séparer sa reconnaissance de son bon sens. Ne soyons pas plus fiers de notre génie que de nos droits. Je vais faire un aveu pénible. Qu'il retombe tout entier sur moi, j'en accepte l'impopularité d'un jour. Quoique admirateur de ce grand homme, je ne me prosterne pas devant cette mémoire. Je ne suis pas de cette religion napoléonienne, de ce culte de la force que l'on veut depuis quelque temps substituer dans l'esprit de la nation à la religion sérieuse de la liberté. Je ne crois pas qu'il soit bon de déifier ainsi sans cesse la guerre, de surexciter ces bouillonnements déjà trop impétueux du sang français, comme si la paix, qui est le bonheur et la gloire du monde, pouvait être la honte des nations. J'ai passé ma jeunesse à admirer toujours et à accuser quelquefois ce gouvernement. Je lui dois beaucoup cependant, je lui dois le sentiment, l'amour, la passion de la liberté. Oui, j'ai compris pour la première fois ce que valait la pensée et la parole libre en vivant sous ce régime de silence et de volonté unique dont les hommes d'aujourd'hui ne voient que l'éclat, mais dont le peuple et nous, nous sentions la pesanteur. Je le sens, ce n'est ni le moment ni l'heure de juger l'homme qui tombait alors. Le jugement lent et silencieux de l'histoire n'appartient pas à la tribune. Cependant, messieurs, nous qui prenons la liberté au sérieux, mettons de la mesure dans nos démonstrations. Ne séduisons pas tant l'opinion d'un peuple qui comprend bien mieux ce qui l'éblouit que ce qui le sert. Gardons-nous de lui faire prendre en mépris ces institutions moins éclatantes, mais mille fois plus populaires sous lesquelles nous vivons et pour lesquelles nos pères sont morts après avoir tant combattu. Bravo ! Et puis j'ai peur, je l'avoue, qu'on ne fasse trop dire ou penser au peuple « Voyez, au bout du compte, il n'y a de populaire que la gloire, il n'y a de moralité que dans le succès. Soyez grand et faites tout ce que vous voudrez, gagnez des batailles et faites-vous un jouet des institutions de votre pays. Est-ce ainsi qu'on apprend à une nation à apprécier ses droits ? Si ce grand général eût été un grand homme complet, s'il eût été le Washington de l'Europe, si après avoir défendu le territoire, intimidé la contre-révolution au dehors, il avait réglé, modéré, organisé les institutions libérales et l'avènement de la démocratie en France, si au lieu de disperser les pouvoirs représentatifs, il les avait appuyés de la force militaire, si au lieu de se faire la réaction vivante du passé, si au lieu d'abuser de l'anarchie, de profiter du désenchantement momentané de l'esprit public, il l'avait relevé, s'il s'était fait le tuteur du progrès social, la providence du peuple, s'il s'était retiré dans son désintéressement et dans sa gloire pour laisser toute sa place à la liberté, qui sait si tous ces hommages d'une foule qui adore surtout ce qui l'écrase lui seraient-ils rendus ? Qui sait s'il ne dormirait pas plus tranquille et peut-être plus négligé dans son tombeau ? Vous offensez le pays, monsieur ! Non, monsieur, non. Non, je ne fais que raconter l'esprit humain. Vous êtes comme moi des hommes nourris des idées de 1789. Mirabeau, le prophète de ces génies, le génie créateur et moteur de la monarchie constitutionnelle, l'homme dont chacune des paroles donnait une impulsion irrésistible aux vérités de ce nouvel évangile politique des peuples, où est-il ? Il repose dans je ne sais quel caveau d'un monument profané qui a servi deux fois de chemin à l'égout. Lafayette lui-même, Lafayette qui communiqua à son pays la première contagion de l'indépendance d'Amérique, qui porta sans fléchir le poids du jour pendant 40 ans. Bravo ! Oui, 40 ans de travaux, de patience, de cachots, d'exil, de persécution, qui ne voulut pas, lui non plus, s'incliner devant ce météore du despotisme, Lafayette repose sous l'humble croix d'une sépulture de famille. Et l'homme du 18 Brumaire, l'homme à qui la France dut tout sauf la liberté, la révolution triomphale va le chercher au-delà des mers pour lui faire une tombe impériale. Oui, oui, absolument. Laissez-moi tout vous dire. Eh bien, oui, messieurs, je ne m'y oppose pas, j'y applaudis, mais faites attention à ces encouragements au génie à tout prix. Je n'aime pas ces hommes qui ont pour doctrine officielle la liberté, l'égalité, le progrès, et pour symbole un sabre et le despotisme. Je ne me fie pas à ces contradictions. J'ai peur que cette énigme n'ait un jour son mot. La liberté ne pouvait se passer en France de la sanction de la gloire. Et jamais homme n'a apporté un plus immense contingent dans les gloires de sa patrie que l'empereur Napoléon. Sa gloire nous est acquise. Le jugement des actes de son gouvernement appartient à l'histoire. Nous n'avons pas à les juger. Revenons, messieurs, si vous le voulez bien, au projet de loi. Article 1er. Il est ouvert au ministre de l'Intérieur un crédit spécial d'1 million pour la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon à l'église des Invalides et pour la constitution de son tombeau. Article 2. Le tombeau sera placé sous le dôme exclusivement réservé ainsi que les 4 chapelles latérales à la sépulture de Napoléon. À l'avenir, aucun autre cercueil ne pourra y prendre place. Article 3. Il sera érigé une statue équestre à l'empereur Napoléon sur une de nos places publiques. Je procède maintenant au scrutin sur l'ensemble de ce projet. Pour le projet, 280. Contre, 65. C'est 65 de trop. Le texte est adopté. Au vu de ce vote et de l'enthousiasme qu'il suscita, l'idée naît dans le cerveau fertile d'un neveu de l'empereur, Louis-Napoléon Bonaparte, d'arraisonner la frégate La Belle Poule, porteuse des saints restes. Finalement, Louis-Napoléon se contente d'acheter un aigle vivant chez un oiseleur de Londres où il vit en exil et de débarquer ainsi équipé au port de Boulogne pour un coup de main qui tourne à la farce. Pendant que le neveu est bouclé au fort de Ham, le sculpteur Visconti achève le cénotaphe de l'oncle et la cérémonie de réinstallation de l'empereur a lieu en grande pompe au mois de décembre. Évidemment, des clameurs « Vive l'empereur !» s'élèvent que les ministres auraient préféré ne pas avoir à entendre de la part du peuple et même de la part de la garde nationale, en principe le soutien le plus naturel de la monarchie de Juillet. De retour à la maison, c'est-à-dire aux Tuileries, le roi doit en plus entendre les reproches de la reine Marie-Amélie. « Je vous l'avais bien dit, mon ami, il fallait éviter la comparaison avec Napoléon. » De 1840 à février 1848, on ne montrera plus le roi à Paris. Et en décembre 1848, qui, le suffrage universel, désignera-t-il massivement comme le premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte. Nous étions au Vieux Colombier avec les comédiens français. Michel Favori était Lamartine, Bruno Raffaelli, le maréchal Clausel, Loïc Corbery, Gleb Isouin, Laurent Latrella, Gauguier et Grégoire Roqueplot et Alexis Chevalier dans la salle. Les interrupteurs, la préparation de ce débat a été assurée par Isor Pisani-Ferry et dans l'équipe de Radio France sous la houlette de Jacques Sigal, Yvan Charby, Andreas Jaffray et Gilles Manet. Merci Jean Lebrun. Suivre la tête au carré avec Mathieu Vidard, aujourd'hui Emmanuel Charpentier, étoile de la biologie moléculaire.